bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, et ben on est drôlement ravis de vous retrouver pour une émission de Comme un ouragan, émission féministe qui cause de lutte, de points de vue, d'histoire de vie, d'histoire collective. Pour aujourd'hui, on est tranquille dans le salon d'une de nos camarades autour d'un enregistreur à deux micros pour se mettre dans les conditions du direct. Et on espère retrouver vite les studios de Radio Duo. Cette émission, du coup, qui va passer comme d'habitude le dimanche, le troisième dimanche du mois à 19h, et on espère que ça sera la dernière confinée qu'on se fait. Pour aujourd'hui, on avait envie de se prendre un temps d'analyse de ce qui nous est tombé sur la gueule un peu ces dernières semaines, et de réfléchir à l'épidémie, et surtout quel traitement politique elle a reçu. Du coup, on va essayer de faire ça, tout ensemble, de rendre un peu lisibles les sous-tendus idéologiques, les lignes directives des décisions qui ont été prises par le gouvernement Macron, pour justement essayer de sortir d'une idée qu'il y a une logique sanitaire qui est présentée comme naturelle, obligatoire, pragmatique et raisonnable, et détachée d'enjeux de choix politiques. Ça, dans le but de nous redonner à penser un peu des critiques possibles, à penser aussi des alternatives qui soit ni irresponsable ni irréaliste. On va donc parler du gouvernement, d'état d'urgence, de lois sécuritaires et infantilisantes. On parlera aussi des discours dominants véhiculés par les médias et de théories complotistes. Dans un deuxième temps, on abordera plus les notions de santé communautaire, de réduction des risques et comment ces idées ont une histoire militante et des applications pratiques qui peuvent nous être bien utiles en ce moment. Mais avant ça, on commence par des petits bouts d'actualité et d'infos féministes qu'on n'a pas envie de voir tomber dans les oubliettes. Et on finira sur des histoires de continuité de lutte qu'on a trouvées pleines de force et de courage. Voilà, et bah très bonne écoute à vous, et on commence par des petits bouts d'actualité. Alors moi je voulais revenir sur une actualité qui est passée en plein milieu du confinement, à savoir la décision prise au niveau du ministère des Sports, par donc la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, de mettre en place, dès la prochaine prise de licence et au plus tard en janvier 2021, le contrôle de l'honorabilité des bénévoles dans les associations sportives. L'intention, c'est de lutter contre les violences sexuelles. Simplement, ça veut dire étendre un contrôle qui était fait que pour les titulaires de la fonction publique et qui d'un coup va correspondre à des bénévoles dans des centres sportifs. Même si l'intention elle est de lutter contre les violences sexuelles, le contrôle d'honorabilité se fait aussi sur le trafic de drogue et tout type de violence. Du coup, il me semble qu'au nom de la lutte contre les violences sexuelles, c'est une extension de la surveillance rapprochée de tous les bénévoles dans les clubs sportifs. Je trouve ça d'autant plus problématique que les clubs sportifs sont un des lieux dans lesquels les hommes des quartiers populaires s'investissent pour faire boxe, foot et compagnie. Et que du coup, ça va être encore un nouveau moyen de limiter les possibles pour des personnes déjà stigmatisées. Et en termes de lutte contre les violences sexuelles, je ne sais pas si ça peut être utile. Évidemment que là, il y a du travail à faire, mais on a quand même aussi conscience, il me semble, en tant que féministe, que la lutte contre la violence, elle passe pas par enfermer des personnes dans une identité de personnes violentes. Et du coup, je doute que ce contrôle de l'honorabilité soit efficace en termes de violences sexuelles, mais par contre, je pense qu'il risque de produire encore plus d'exclusion. Moi, j'ai un autre truc qui m'a beaucoup choquée. C'était en avril, en vrai, même peut-être là, avant 3 semaines, j'ai lu qu'en Pologne, ils ont pris aussi un peu là, le confinement où, comme il n'y a pas vraiment beaucoup de possibilités de manifester ou de lutter, ou en tout cas autrement, mais ils ont essayé de passer les lois qui vise l'interdiction totale de l'avortement en cas de grave malformation de l'embryon, et aussi encore plus la criminalisation de l'éducation du sexe. Ça veut dire aussi s'il y a des personnes qui font de l'éducation du sexe aux mineurs, qu'ils risquent de se prendre des peines à jusqu'à 3 ans ou un truc comme ça. Et bon, déjà le loi ou déjà pour avorter, c'est très très difficile en Pologne, mais voilà, ils ont essayé de passer cette loi. Après, il y avait quand même pas mal des bon, manifs, on dit manifs, des gens qui sont sortis dans la rue, qui sont restés en distance, mais après il y avait pas mal des luttes, des discussions en ligne ou des selfies avec des pancartes ou des mais de protestations ont débouté, mais voilà, de ça aussi, toutes les manières de lutter en ligne, on pourrait parler plus tard, mais c'est un petit info qui, je trouve, qui n'était pas très visible pendant ce temps de confinement. Moi, je voulais vous parler aussi de tout ce qui s'est fait là pendant le confinement autour des violences. Bon, il y a quand même eu... Ça a été assez visibilisé, la question des violences conjugales pendant ce confinement, vu qu'on a eu les expériences des pays qui ont été confinés avant nous et les chiffres qui arrivaient, que vraiment ce confinement il a fait exploser les violences conjugales en enfermant les gens chez eux là. Du coup il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place spécialement pour le confinement. Du coup déjà les dispositifs classiques ont continué à fonctionner, tout ce qui est planning familial, centre d'information droits des femmes et les lignes d'écoute du collectif féministe contre le viol 3919 et le 115 qui est le numéro d'hébergement d'urgence qu'on peut appeler en cas de violence conjugale. Mais du coup ce qui a été mis en place et que j'espère va rester, c'est du coup un moyen de contacter souvent le conseil de base c'était de contacter la police, sauf que le problème c'est que c'est difficile d'appeler quand on est enfermé dans un logement avec quelqu'un de violent. Du coup il y a maintenant on peut contacter la police par SMS au 114. Ça, a priori, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Et il y a les pharmaciens qui sont et les pharmaciennes là qui ont pris le relais aussi de. On pouvait venir dire qu'on était victime de violence et du coup demander de l'aide dans les pharmacies. Et si le conjoint était présent avec un code, du coup il faut dire masque 19 dans les pharmacies pour que si de la personne violente est présente. Du coup comme les gens qui tiennent les pharmacies ont été un peu formés à ça, j'imagine, ou ont au moins reçu des petites fiches qui leur disaient quoi faire dans ces conditions, ils vont pas l'oublier à la fin du confinement. Enfin, ça a vraiment mis sur des trucs de communication à distance et sur les réseaux sociaux toutes les associations un peu classiques. Du coup, il y a eu pas mal de... SOS Homophobie a dû suspendre sa ligne téléphonique, mais il y a un chat qui a continué. Il y en a d'autres qui ont été plus utilisés, d'autres qui ont été ouverts. Du coup, il y a des chats du ministère de l'Intérieur, mais aussi d'associations comme En Avant Toutes, des permanences... des permanences sur Facebook, des plannings familiaux. Il y a surtout ce qui est sur les questions de ressources pour les personnes trans et intersexes. Là, il y a l'association Rita qui travaille avec le planning de Grenoble, qui s'est mis à travailler en ligne aussi. Du coup, j'ai l'impression que c'est des dispositifs qui pouvaient ne pas exister avant et qui ont été créés. Et après, il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été faites des associations d'autodéfense, là, comme l'ARCAF 13 par exemple, mais après, il y a ou Garance, qui est une association belge, et après, il y a Filaction par exemple, qui a mis des vidéos sur YouTube avec aussi un peu des conseils quand on est témoin ou qu'on entend des violences conjugales dans notre immeuble pour les proches ou pour les voisins. Et voilà, du coup ça c'est quand même des choses qui vont rester quoi. C'est pas du tout clair ce que je viens de raconter. Si. Oui, c'était très très clair. Et sur les dispositifs qui existaient déjà, par exemple il y a un numéro vert du coup IVG contraception sexualité là qui est tenu par le planning dans la plupart des régions et qui a vraiment constaté là les difficultés par rapport à l'IVG pendant le confinement. Du coup, pour interrompre une grossesse pendant le confinement, c'était toujours possible, mais quand même, ça a été beaucoup plus compliqué. Et à ce numéro vert, on a du coup constaté plus 330% de difficultés de prise en charge de l'IVG et plus 184% de demandes pour les IVG hors délai. Dans l'état d'urgence sanitaire, il n'y avait pas, c'était pas prévu de prolonger les délais de l'IVG. Et la seule chose qui a été faite, c'est d'ajouter une prise en compte de la détresse psychosociale dans les demandes pour les interruptions médicales de grossesse, qui est du coup le cadre légal dans lequel on peut interrompre une grossesse au-delà des délais habituels. Mais en fait, pour avoir accès à ces interruptions de grossesse en France après 12 semaines de grossesse, c'est pas la loi ou l'État qui décide vraiment. Il y a des recommandations, mais c'est un collège de médecins. Du coup, ça va dépendre de l'avis de ce collège de médecins d'appliquer cette recommandation ou pas, quoi. Voilà, du coup, c'est pas gagné. Mais on a toujours le droit d'aller de passer une frontière pour aller avorter à l'étranger. C'est autorisé. Enfin, il faut signer un papier, mais on a le droit de passer une frontière pour ça, en tout cas. Ok. Dans les autres infos importantes qu'il y a eu, c'était le 13 avril dernier, 13 avril 2020, où ça marquait les 4 ans de la loi de la pénalisation des clients dans le travail du sexe. Du coup, ça fait 4 ans du coup, que cette loi est dénoncée par toutes les assos communautaires de travail du sexe, et notamment par le STRAS, le syndicat de travailleuses et travailleurs du sexe. Puisque cette loi, en pénalisant les clients, en fait, les conséquences ont été plus de stigmatisation, de criminalisation, et en gros, la mise en danger est pour la santé et la sécurité de toutes les travailleuses du sexe. Du coup, il y a d'habitude à fond une grosse mobilisation avec manif, etc. Du coup, là, ça n'a pas été possible. Du coup, le 13 avril, il y avait une manif en ligne qui a été bien relayée, qui était sur le hashtag 4 ans de loi de prostitution. Car rappel, hein, dans le communiqué de presse qui se trouve sur le site internet du STRAS, c'est que les conséquences de la pénalisation, c'est une mise en danger au niveau de la santé et de la sécurité pour les travailleuses, que tout l'argent du gouvernement qui est consacré à la dite lutte contre la prostitution, en fait, va que à des associations abolitionnistes, alors qu'en fait c'est plutôt les assos de santé communautaire qui arrivent à faire du boulot. Ce qu'à mettre en avant, c'est que par exemple là, pendant le temps du confinement, c'est vraiment grâce à ces assos communautaires et à la solidarité des gens qu'il y a eu 500 travailleuses du sexe qui ont pu bénéficier d'argent via les cagnottes. Et peut-être un petit mot sur rappeler leur revendication, qui est que seule la reconnaissance du travail sexuel comme travail, l'inclusion au sein de l'économie formelle, l'accès aux droits communs et aux protections sociales dont bénéficient les autres travailleurs, et donc la décriminalisation pleine et entière du travail sexuel, la lutte contre la pauvreté et les injustices sociales et sexistes, ainsi que la régularisation des travailleuses sans papier permettra de nous protéger réellement. Voilà, et ben en tout cas, n'hésitez pas à relayer cette info et à les soutenir. Voilà. Le STRAS a monté une cagnotte de soutien où on peut donner des sous sur internet. Comme eux ont reçu plus de dons que les autres associations qui vont être plus locales, ils redistribuent une partie de leur cagnotte aux autres assos. Ils centralisent un peu les dons vu qu'ils sont plus connus. Et notamment, il y a eu une initiative lancée par nos camarades du groupe Pompon Sauvage, qui ont du coup demandé à pas mal de personnes, de meufs, de gouines, de personnes trans et ou racisées, là, de donner des morceaux de musique pour faire une compilation qui est vendue sur Bandcamp en soutien du coup, à la cagnotte du STRAS et du coup des associations communautaires de soutien aux personnes qui font du travail du sexe. Du coup, vous pouvez la trouver sur Bandcamp en tapant Pandemos. C'est une petite image jaune et il y a une 40 pistes quand même, 40 groupes qui ont répondu à l'appel. Du coup, on a choisi les musiques qu'on va passer dans l'émission d'aujourd'hui dans cette compile pour vous donner un petit avant-goût. Yeah, on écoute une première. Morceau ou pas? Ouais, on s'écoute. Moi, je voulais bien faire peut-être juste un petit retour 1er mai avant, et puis après on écoute la musique. Bah oui, parce que quand même, on se disait aussi pour se donner un peu courage et l'envie de continuer à se mobiliser aussi dans la rue, c'était juste dire un peu ce qui avait pu se passer au 1er mai. Alors, plus au niveau local, il y a quand même eu à Lyon, il y a quand même eu 3 rassemblements et une mini manif le 1er mai. Qui rassemblait à peu près une 50aine de personnes. Ils sont notamment mobilisés devant un des hôpitaux en lutte. Alors, ça s'est fini sous les lacrymos, mais quand même, ils ont réussi à tenir un peu leur truc. À Grenoble, il y a eu des rassemblements d'une dizaine de personnes avec des prises de parole. À Saint-Étienne, le 1er mai, c'était un peu plus compliqué, puisque la BAC était stationnée place du Peuple en permanence et qu'il y a surtout eu des gens qui se sont récupérés des amendes. Et un moins local, mais quand même, un spécial big up aux camarades féministes de Rennes qui ont appelé un 1er mai féministe et déconfiné, et elles ont réussi à se rassembler dans pas mal d'endroits différents de la ville avec des slogans et des chants féministes pendant le 1er mai. Du coup voilà, ça c'est plutôt des choses chouettes qui ont pu se passer. Et aussi qu'il y a des mobilisations, là, des rassemblements de résistance qui essayent de se faire suite au déconfinement. Il y a notamment eu un rassemblement le 11 mai à Saint-Étienne. Et pour rappeler qu'il y a des collectifs anti-répression qui existent, que ça soit pour faire des contestations collectives des amendes ou trouver un peu des façons solidaires de payer ensemble les amendes. Voilà, du coup, faut pas hésiter à se rapprocher des collectifs anti-répression de sa ville. Je cherche les morceaux qu'on va écouter. Ah voilà, on va écouter, le nom du groupe est un peu compliqué, on va écouter un groupe qui s'appelle point point virgule point virgule crochet parenthèse, une chanson qui s'appelle Jean-Victor. Ouh. Avant de passer, pour parler des analyses différentes, là, en fait, on a oublié. On voulait vous donner aussi une autre info, pas très drôle, mais en fait, dans la nuit du dimanche, le 10 mai, les locaux de la radio associative locale de Saint-Julien-Molin-Molette, radio d'ici, ont été la cible d'une attaque néo-nazie, laissant derrière elle un studio détruit et des inscriptions Suprémaciste blanche sur les murs, croix gammée et 1488 en référence à Hitler et à la préservation de la race aryenne. Le 10 mai est une date symbolique au-delà de l'actualité criante et toute locale du confinement des confinements. En effet, en 1940, c'est la date à laquelle les armées nazies entrent notamment en Belgique et aux Pays-Bas. Mais c'est aussi la date retenue en France pour commémorer le souvenir de l'esclavage et de son abolition, car le 10 mai 2006, Christiane Taubira parvenait à faire passer une loi en ce sens. Radio d'ici accueille de nombreuses émissions, donc Fréquence Furieuse Furieuse, Furieux Furieuse, FFF, une émission féministe qui produit des émissions depuis plus de 6 ans et s'inscrit dans une nébuleuse d'émissions de radio féministe plus grande, Radio Rageuse. Le collectif FFF dénonce fermement le saccage perpétré ces 10 mai à Radio DC. Le contenu. Ouais. Nous ne nous taisons pas face à de tels actes. Nous n'accepterons pas d'être réduites au silence au profit de discours de haine. L'attaque des locaux de Radio DC s'inscrit dans une époque et un contexte de montée des idées xénophobes, racistes, sexistes au sein de la société, et Saint-Julien-Molin-Molette n'en est pas épargné. Elle s'inscrit également dans un contexte de confinement, de restriction de nos libertés et de répression de plus en plus importante. Dans ce contexte, les radios libres et les militants militantes qui les font vivre ont largement contribué à maintenir un lien, à proposer des analyses et des contenus permettant l'expression d'autres points de vue que ceux portés par les médias mainstream, et de continuer ainsi à réfléchir collectivement à la société à laquelle nous aspirons. Plus que jamais, la lutte pour l'existence de radios libres permettant l'expression de nos combats décoloniaux, féministes, anti-autoritaires, doit continuer. Plus de justice sociale, pour une émancipation populaire collective, vive les radios libres, solidarité antifasciste, signé de Fréquence Furie Furieux. FFF, Fréquence Furie Furieuse. Décidément. Ben oui, on pense bien à vous en tout cas, et puis n'hésitez pas aussi à regarder. Pour l'instant, Radio DC n'a pas fait, je crois, d'appel à dons particuliers, on ne sait pas trop comment ça se déroule pour. Mais on espère que vous aurez bientôt de nouveau du matériel. Même le chat se joint à nous pour c'est protester. C'est clair, dit bon courage. Voilà, après on passe de voir un peu des analyses différentes du confinement, des petits complots, des choix politiques, du philo, du féministe, tout ça, tout ça. Et voilà, qui a envie de commencer, je sais pas. Non, mais je crois, la première chose qu'on s'était dit, c'était ce truc de... que encore une fois, on se retrouvait sous un état d'urgence qui venait piétiner sur le droit commun. Et que ça, en fait, on vit déjà dans un... On vit dans un état d'urgence terroriste depuis 20 ans déjà. Et là, c'est l'état d'urgence sanitaire, autant c'est normal de prendre des mesures quand face à une pandémie mondiale, mais que dedans, il y avait aussi... Il y a des ordonnances dedans qui servaient à rien d'ailleurs, on pourra revenir dessus aussi. Et puis c'est toujours ce truc dont il faut se méfier avec les états d'urgence exceptionnels et... c'est qu'il reste exceptionnel et qu'il s'arrête à un moment. Ce qui n'a pas été le cas pour l'état d'urgence terroriste. Du coup, on peut s'inquiéter du fait que l'état d'urgence sanitaire ne s'arrête jamais. Bah oui, avec notamment c'est le 11 mai dernier, du coup, il y a 2 jours, et que ça a été acté qu'il y avait prolongation de cet état d'urgence sanitaire. Jusqu'au 10 juillet. Ouais, jusqu'au 10 juillet. Et qu'effectivement, que tout le discours de Macron et du gouvernement, et qui est relayé abondamment par les médias, c'est vraiment cette idée de il faut des mesures d'exception, et il faut faire masse, il faut faire corps, il faut être tous ensemble pour lutter contre cette épidémie, et ça veut dire accepter. Sans broncher des décisions politiques. Et je pense que c'était un peu ça qu'on voulait dérouler, de dire qu'en fait, la façon dont ça a été réfléchi et géré l'épidémie par le gouvernement, c'est vraiment des choix politiques qui sont critiquables. et que, par exemple, la prolongation, le fait de promulguer l'état d'urgence, c'est notamment inscrire dans la tête que la seule manière de protéger une population, c'est de la contrôler, de la surveiller et d'être dans des pratiques répressives, par exemple. Ouais, moi, ça me semble d'autant plus grave que du côté du gouvernement, ils ont eux-mêmes accumulé un peu une gestion n'importe quoi de l'épidémie. Et qu'une fois qu'elle était déjà bien installée, pris des mesures d'exception que finalement nous on vit et eux ils vivent pas. Et comme la démission de la ministre de la Santé le 16 février, la démission de la conseillère solidarité et santé de Macron le 24 janvier, tout ça alors que le 31 janvier était annoncé par l'OMS. Une situation d'urgence de santé publique internationale. Il me semble que ces lois d'urgence, c'est aussi des manières d'imposer une politique alors que c'est trop tard. Et le trop tard, il vient du côté du gouvernement et pas du côté de la population. Je trouve dans ce truc, bon, trop tard, je trouve, c'est aussi cette réaction, ça fait un peu typique comme... Comment, en tout cas, là, la France ou bien d'autres pays en Europe voient un peu des trucs d'épidémie comme si c'est pas un truc qui peut arriver, on va dire, entre guillemets, à nous ou ici. Un peu, c'est ailleurs où ça montre vraiment aussi le regard super. Comment dire là de... Une sorte de supériorité européenne. C'est ça. De voir, bon. En fait, peut-être ça va pas arriver ici et tout. Et en fait, après, fait une réaction très, très, oui, très tard et très bon, des choix politiques quoi, qui a rien à voir avec comment vraiment réagir ou réfléchir. Oui, en fait, c'était l'urgence déjà en janvier, mais bon. Oui, parce que si on sort de cette supériorité dont tu parles et qu'on cherche à apprendre d'ailleurs. Par exemple à Taïwan, qui est une île avec quand même une population de 23 millions d'habitants, mais surtout une densité de population qui est 6 fois plus importante qu'en France. Ils ont réussi, alors qu'ils sont juste à côté de l'état du Wuhan, où a commencé l'épidémie, à la canaliser et à faire qu'à l'heure actuelle, il y a 6 personnes qui sont mortes de cette maladie. Donc il y a d'autres modes de gestion qui ont été mis en place qui n'auraient pas imposé de mettre encore en place un état d'urgence. Parce que là tu parles de quoi seulement, parce que moi j'ai pas trop suivi le truc en Taïwan. Bon, je crois que j'ai lu des trucs qui plantent des tests par exemple accessibles pour tout le monde comme un peu des stop and go pour des tests et comme ça tu peux choisir toi-même ou pas choisir, tu sais, est-ce que j'ai du virus ou pas, et après tu peux réagir ou agir avec ça. Oui, c'est ça, d'autres. Ils ont mis directement en place une politique de quarantaine et de quarantaine aux frontières et de tests. Bon, c'est facilité par le fait que c'est une île, mais ça leur a permis de faire que l'épidémie, elle se répande pas dans la population en fait. Ouais, les stratégies de santé qui ont fonctionné, en tout cas qui font qu'il y a beaucoup moins de morts, et qui ont été mises en place à Taïwan ou là, juste à côté, en Allemagne, c'est plutôt ça. C'est plutôt des stratégies de... On confine pas tout le monde, mais par contre, on dépiste massivement. Et dès qu'il y a une personne qu'on sait qu'elle a le virus, on va déjà l'isoler, elle. Du coup, il n'y a que la personne concernée qui est confinée. Et les personnes avec qui elle a été en contact, on va aller les chercher, les dépister... Et on suit l'épidémie comme ça, mais ça demande d'avoir des tests de dépistage en fait. Bah oui, et je pense que c'est ça qui a été aussi super fort dans tout le début des discours politiques officiels, c'était pipoter dans le sens de dire vraiment des mensonges sur par exemple au début c'était les tests ça sert à rien, ça a pas de sens. Après ça a été les masques. En fait, pareil, c'est quand même pas très utile, ou c'est juste utile pour certaines personnes, et qui était en fait vraiment une tentative d'avoir un pseudo-discours politique collectif mais en fait qui disait juste en fait qu'il n'y avait pas trop le choix parce que de toute façon des tests il n'y avait pas la possibilité d'en avoir à ce moment-là et des masques non plus et que c'était plus moi ce que je trouve vraiment assez fort ça a été vraiment le cette idée qu'il n'y avait pas du tout de possibilité de transparence en fait sur de transparence ou d'accès à des choix possibles collectifs ou sur qu'est-ce qui concrètement a créé cette situation, ça pourrait être quoi des stratégies possibles sanitaires où on peut réfléchir des trucs et plutôt c'était présenté toujours comme il y a une seule bonne façon de faire et qui était des choses déconnantes parce qu'il y a eu plein de contradictions et qui masquait plutôt des histoires de pénurie et de dépendance à l'exportation, des trucs comme ça quoi. Et de mauvaise organisation aussi, parce que là moi j'ai creusé un peu sur les tests de dépistage. Du coup on nous promet 700 000 tests de dépistage à partir de cette semaine. En vrai, plutôt c'est difficile de compter combien on en fait par semaine parce que tout le monde fait par tous les labos qui font des tests font pas forcément remonter les données de la même manière partout, mais plus ou moins on est plus ou moins plutôt à 150 000 tests de dépistage par semaine qui sont effectués là en France. Bon, sachant que même en faisant 700 000 tests par semaine, vu qu'on est 67 millions d'habitants, il faudrait 2 ans pour dépister tout le monde. Du coup, quoi qu'il arrive, le test de dépistage, il ne faut pas s'attendre à en avoir un si on n'est pas une personne vulnérable ou qu'on ne présente pas des symptômes. Il n'y en aura pas pour tout le monde, voilà. Et après, en fait, il y a beaucoup de labos, d'hôpitaux qui peuvent faire plus de tests que ce qu'on leur demande actuellement, mais l'effort, il n'est pas coordonné. Là, il y a toute cette industrie-là de l'analyse pharmaceutique là, qui dit « mais on peut faire plus, mais comme sur plein d'autres sujets, en fait, il y a plein de gens qui ne sont pas forcément des structures d'État, des personnes, des individus, des entreprises qui sont prêts et prêtes à faire plein de choses, mais l'État est complètement incapable de coordonner toutes ces volontés-là. Du coup, ben, ça tombe à l'eau. Là, en fait, on fait 150 000 tests de dépistage par semaine, on pourrait facilement en faire 300 000, mais on nous en promet 700 000 alors que ça n'arrivera pas. Enfin, ça n'a pas de sens. Et c'est ça qui joue aussi sur la stratégie de... qui fait que en fait, le gouvernement il s'est retrouvé bloqué à... enfin, obligé de confiner complètement, mais obligé par ses propres... incapacités et ses propres manques et ses propres politiques de destruction de l'hôpital qui étaient complètement en cours jusqu'à avant le confinement. Enfin, on s'est foutu de la gueule de tout le personnel hospitalier qui demandait plus de moyens qui était encore dans la rue en janvier et après et un mois après on les applaudit aux fenêtres quoi. D'ailleurs, pour ça, il y a un enregistrement dont on peut l'écouter après, mais d'une infirmière depuis 18 ans dans l'hôpital public qui fait un témoignage qui parle de ça quoi et qui était dans la rue aussi et voilà qui va être dans la rue après aussi peut manifester j'imagine où on l'écoute maintenant je sais pas ouais. Ne nous dites pas que vous ne saviez pas. Vous avez refusé de nous entendre, de nous croire, de nous écouter, de nous payer. Vous nous avez humiliés, menti, ridiculisés, moqués, ignorés, volés, accusés, réduits au silence, interdits de manifester, gazés. Vous avez ri quand nous parlions d'humains, de moyens pour faire des soins de qualité. Vous vous êtes moqués quand nous réclamions du personnel pour s'occuper des plus âgés. Non, rien de cela n'était suffisamment rentable, suffisamment utile. Vous nous avez ridiculisés quand nous ne voulions pas fermer de lit, quand nous demandions des augmentations de personnel, quand nous voulions que nos collègues soient stagiérisés pour ne plus être précaires. Vous nous avez humiliés quand nous réclamions des salaires à la hauteur de nos responsabilités, de la pénibilité et de l'importance de nos métiers. Vous avez refusé de nous payer pour notre travail de nuit, refusé de valoriser notre engagement dans ces conditions difficiles et usantes. Cela ne rentrait pas dans le budget. Vous nous avez gazés quand nous sommes descendus dans la rue pour demander des moyens pour travailler. Vous avez fermé des lits, des services, des hôpitaux sur tout le territoire. Vous avez diminué nos effectifs et créé des déserts médicaux. Vous ne nous avez pas écoutés quand nous vous avons dit que nos métiers n'avaient plus de sens. Nous ne pouvions plus prendre soin, qu'il nous manquait du temps, du personnel pour soigner. Vous avez refusé d'écouter notre mal-être, nos peurs et nos craintes de mal accueillir les malades, de mal vous accueillir ou accueillir vos familles, vos proches. Vous avez voulu réduire notre colère à un caprice, ridiculiser nos cris, éteindre notre révolte, notre indignation de ne plus pouvoir être humain, simplement. Vous nous avez accusés d'absentéisme alors que nous croulions sous les heures supplémentaires. Vous nous avez infantilisés en nous disant qu'il n'y avait pas d'argent magique, alors que nous parlions de soins de qualité, d'une société de qualité. Vous nous avez ignorés lorsque nous avons tiré la sonnette d'alarme. Ça craquait de partout, et cela depuis longtemps. Il manquait de la reconnaissance pour tous les métiers hospitaliers. De l'ouvrière au médecin, de l'infirmière à l'agent de service, en passant par l'aide-soignante, la brancardière. Vous nous avez réduits au silence en essayant de nous acheter, de nous diviser en distribuant des petites primes aux uns et votre mépris aux autres. Vous nous avez ignorés lorsque nous avons essayé de faire grève, humilié ceux et celles qui essayaient de faire respecter ce droit, accusé et culpabilisé ceux et celles qui avaient pris ce droit. Vous avez voulu transformer l'hôpital public en usine rentable avec des directions faisant des choix répondant à la productivité et la rentabilité, alors que nous sommes un service public avec des valeurs humaines. Vous avez privatisé, externalisé dans des objectifs de rentabilité alors que nous vous parlions de sens du travail et d'équipe. Vous avez essayé de nous berner avec de beaux discours, mais vos choix concrets dans les ministères et les directions d'hôpitaux illustraient le contraire sur le terrain. Vous nous avez montré des chiffres, des tableaux pour nous prouver qu'on pourrait être plus efficient par la réorganisation. Mais nous ne parlions pas le même langage. Nous n'étions pas du même monde. Vous nous avez laissé nous tuer à la tâche. Nombre de soignantes et de soignants se sont suicidés à cause des conditions de travail, des pressions, de la perte de sens de notre travail. Nous vous avons chuchoté, écrit, dit, posté, parlé, dicté, pleuré, chanté, scandé, crié, hurlé pendant des années notre inquiétude à propos de la casse de l'hôpital public. La richesse qu'il était et ce que vous détruisiez, les risques que vous preniez, que nous subissions. Nous vous avons prévenu que l'hôpital ne fonctionnait que grâce à ses ouvriers et ses ouvrières, ses soignants et ses soignantes trop dévoués, qu'il était fragile, au bord du gouffre. Nous vous avons dit qu'un hôpital ne peut, n'a pas à être rentable, que le privé lucratif n'a pas à exister dans nos secteurs. Nous vous avons vu faire tous les mauvais choix. Nous vous avons prévenu. Nous avons essayé de vous le faire comprendre. En vain. Vous ne nous avez pas écoutés. Et maintenant, vous voulez vous montrer solidaire. Vous vous réjouissez qu'on nous applaudisse. Vous dites même que nous sommes des héros. Nous ne sommes pas des héros ou des héroïnes. Pas plus hier et pas mieux que demain. Nous sommes des soignants et des soignantes, tout simplement. Des personnes qui pensent que la santé est une priorité dans notre société, que chaque être humain a le droit d'avoir les mêmes soins de qualité, quel que soit son âge, son genre, son compte en banque, son lieu d'habitation, son carnet d'adresse. Nous sommes de ceux et celles qui prennent le même temps pour soigner l'infarctus du PDG, mais aussi pour soigner celui du SDF. Le même temps pour soigner l'enfant de l'élu politique, mais aussi celui de l'immigré sans papier. Nous sommes de ceux et celles qui pensent que la vie n'a pas de prix. Nous sommes de ceux et celles qui pensent que santé et rentabilité ne peuvent pas cohabiter. Nous sommes de ceux et celles qui sont là, présents dans cette tempête, aux premières loges, au front, comme vous dites, au quotidien pour subir les conséquences de vos mauvais choix. Et nous serons là après, pour vous rappeler vos erreurs, pour que vous portiez la responsabilité de ce massacre. Nous serons là pour que les choix futurs soient les bons, pour que les priorités ne soient plus rentabilité, dividendes et actions boursières, mais santé, éducation, logement, solidarité. Pour tout le monde. Ne vous méprenez pas. Nous gérons. Nous sommes là. Nous faisons des heures et des heures. Nous prenons des risques. Nous négligeons parfois nos familles. Parce que nous sommes attachés au service hospitalier. Parce que la santé est une priorité. Parce que le service public est la raison de notre engagement. Cette crise transforme notre frustration et notre colère en rage. Nous aurions tellement préféré ne pas avoir raison de cette manière-là. C'est un trop lourd tribut à payer. Cette rage ne nous lâchera pas. Nous serons là, comme nous étions là avant, comme nous sommes là pendant. Mais vous nous devrez des comptes, des excuses, des remords, des aveux, des démentis et des décisions rapides, fortes, claires, des engagements, parce que la santé n'a pas de prix. Signée, une infirmière depuis 18 ans à l'hôpital public. Eh ben, c'était un discours sacrément à la fois chouette et plein de force et plein de colère, et puis en même temps qui exprime bien la dégueulasserie d'un système avant tout basé sur la rentabilité et la nécessité de faire du profit. Du coup, moi, je trouve que là, il remet bien les pendules à l'heure sur les responsabilités politiques et sur notamment un truc qu'il y a eu à aucun moment reconnaissance par le gouvernement de une reconnaissance que c'est lié à la conséquence d'une casse systématique du service public hospitalier qu'on en arrive à une merde pareille, et aussi dans les trucs qui sont pas discutés qu'en dehors de l'hôpital. Et ce qu'on parlait un peu plus avant sur le système de masque ou de test, c'est aussi quand une production industrielle est complètement segmentée et pensée que dans des intérêts de profit, t'as plus du tout de possibilité d'autogestion ou d'autogestion au sens appropriation par la population de quoi est-ce qu'on a besoin, comment est-ce qu'on est autonome sur les chaînes de production, comment est-ce qu'on dirige les choses pour vers le bien public et pas que vers l'intérêt de boîtes et de patrons qui ont comme seul but de faire tourner le truc pour se faire du fric, quoi. Et puis il y a tout ce truc des héros aussi, que je vois, il y a pas mal de gens qui ont par exemple cousu des masques chez eux, là, ou chez elles. Chez elles plutôt, c'est quand même pas mal des meufs qui ont fait ça. Et notamment des gens qui ont. Enfin, ouais, des nanas qui ont cousu des masques et des blouses pour les donner à l'hôpital. Et en fait, c'est en même temps, à la fois, c'est hyper... c'est super de faire ça, mais ça dit quand même un truc de... Normalement, c'est pas à des personnes privées de faire ça, enfin, à des individus de faire bénévolement ce taf-là. C'est censé être le taf de l'État, quand même, de fournir des masques et des blouses à son personnel soignant. Puis je pense aussi que maintenir les hôpitaux dans la précarité, comme c'est fait depuis 20 ou 30 ans, c'est aussi un moyen de ne pas continuer à réfléchir sur qu'est-ce qu'une politique de santé, comment accueillir des patients, en fonction aussi des dominations structurelles. Comme là, on l'a vu dans les départements comme la Seine-Saint-Denis, qui ont été particulièrement touchés et qui sont des départements dans lesquels il y a des populations plus précaires, des populations racisées. Cette épidémie, elle a été plus forte aussi parce que il y a pas l'espace pour réfléchir, c'est le soin et les dominations structurelles dans l'hôpital public tel qu'il est fait au service du capitalisme. Bah là, c'est sûr que moi je trouve ça super important aussi en tant que féministe d'aller reproduire de l'analyse en termes structurels sur qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'épidémie, parce que un des grands trucs dans le discours du soin dominant, enfin en tout cas du pouvoir médical, c'est vraiment de réaffirmer un truc que dans le soin, on est tous égaux, il n'y a pas de rapport de classe, il n'y a pas de rapport de genre, il n'y a pas de rapport de race, alors qu'on sait que c'est complètement faux, parce que c'est l'institution hospitalière, l'institution étatique aussi, bien évidemment, c'est des courroies de transmission de systèmes de domination raciste, classiste, sexiste, Et que là, sur le traitement de l'épidémie et le traitement politique de l'épidémie, Macron, il a vraiment toujours cherché à avoir un discours très unitaire, un discours nationaliste, en disant on est tous ensemble, c'est tous ensemble qu'on va faire les efforts, et il y aura des héros, et les héros, c'est les soignants, comme si c'était, comme s'il n'y avait pas, de fait, un traitement différentiel entre les gens en termes de d'où tu viens, c'est quoi ta race, c'est quoi ta classe, etc. Et que ça, alors que c'est hyper important de dire, bah, tout simplement, par exemple, que face à une épidémie, qui c'est qui fait le travail du care, qui c'est qui fait le travail du soin, qui c'est qui va être sacrifiable. Et bah, on sait bien que ça va pas être les bourgeois blancs qui vont être en première ligne à s'occuper des malades, par exemple. Et que ça, c'est des analyses qui sont hyper importantes à produire aussi, quoi. Ouais, que la plupart des emplois qui ont été maintenus et des emplois essentiels, finalement, c'est beaucoup des emplois qui sont soit précaires, soit mal payés. Qui sont occupés par des femmes, des personnes racisées, et que ça, c'est un truc qui a été complètement invisible dans les discours du gouvernement, alors que, je veux dire, tout un chacun a pu le constater dans la rue, ou dans qui est-ce qu'on continue à croiser, qui est-ce qui bosse aux caisses des supermarchés, qui bosse pour Deliveroo, qui les aides-soignantes à domicile. Qui fait le ménage à l'hôpital, je Oui, c'est qu'aussi toutes les analyses là qu'on vient d'avoir, enfin qui sont des analyses anticapitalistes, des trucs aussi structurels, des dominations et tout ça, en fait c'est des analyses que là dans le milieu militant on produit depuis bon, plus ou moins longtemps. Et moi j'ai l'impression vraiment que en fait les gens ils sont lassés de ça, de se dire ah ben là en fait oui si cette épidémie c'est autant la merde, c'est à cause du capitalisme. Cette explication là, bon comme ils en ont marre de l'entendre, ils... On veut un truc nouveau, on veut toujours un truc nouveau. Et du coup, la nouveauté, c'était le complot, quoi. Il fallait trouver un nouveau truc, une nouvelle raison, enfin, de râler. Et du coup, et c'est aussi une manière de démasquer un complot, c'est aussi une manière de se sentir un héros, là. Enfin, de se sentir un héros ou une héroïne, soit, parce qu'on a compris quelque chose que personne d'autre n'a compris. Mais en fait... désolé, vous n'êtes pas tous et toutes des héros, et ça n'est pas. Il y a des informations qui sont tristes, mais qui sont vraies. Enfin, en tout cas, là, par exemple, je vais prendre des exemples parce qu'il y a eu vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de conneries, et notamment sur des trucs de santé du virus. Enfin, au début, l'épidémie, on a quand même eu pas mal de fausses informations sur comment se protéger du virus. Et là, moi, je sais pas, l'exemple que j'ai choisi, c'est un peu celui de la 5G. Du coup, voilà, tout le monde est quand même beaucoup de gens, et même des militants qui sont persuadés que... c'est la 5G et véhicule le coronavirus, pour de vrai, les gens pensent ça. Soit que... L'État aurait profité de l'épidémie pour faire passer la 5G en sous-main, quoi. Dans l'état d'urgence sanitaire, il y a une des ordonnances là, qui fait partie du pack de l'état d'urgence sanitaire là, qui concerne l'installation des antennes de téléphonie mobile sur les toits. Ça, c'est vrai, et ça permet de... Cette ordonnance, elle permet d'installer plus rapidement les antennes sans passer par les contrôles sanitaires qui sont dans le droit commun. Du coup, il y a une asso qui s'occupe vachement de ça, qui s'appelle Robin des Toits, qui a publié un communiqué et qui exprime un peu ses inquiétudes en disant, genre, bah quand même, ça fait... déjà, je pense que ça fait partie des gens qui se sont battus pour qu'il y ait une loi qui impose des contrôles sanitaires, qu'on fasse un peu gaffe à où est-ce qu'on installe les antennes, comment essayer de prouver qu'il y a des dangers, que les antennes de téléphonie mobile, ça crée des problèmes de santé. Et en fait, cette loi-là, elle est passée en 2015, et puis là, hop, le droit commun saute, on fait comme si elle n'existait pas. Et du coup, ils s'inquiètent que ce soit un peu une porte ouverte à une libéralisation qui permettra à la 5G de s'installer plus vite. Mais c'est juste une inquiétude et un lien. L'info, là, elle est reprise et transformée. Comme l'État profite du coronavirus pour installer la 5G, ce qui est pas vrai et ce qui n'était pas non plus dans le communiqué de base de Robin des Toits, Et le premier site qui publie cette info, c'est un site qui s'appelle Le Média pour tous, qui est tenu par un ancien militant d'égalité et réconciliation, le mouvement d'Alain Soral. Et en fait, cette intox-là, elle a tellement circulé, mais à un point que même une ancienne ministre de l'Environnement a réussi à dire cette connerie. Plein de sites, de lettres d'info, de chaînes mail, des camarades, des gens, tout le monde est là genre « Ah oui, quand même, c'est vrai que peut-être il y a un lien. » Mais en fait, avec très peu de gens qui vont fouiller, ou que quand ils fouillent, ils tombent sur le site d'un pote d'Alain Soral, et puis tout le monde s'en fout, quoi. Du coup, je trouve que c'est tout un truc-là de... Ouais, cette envie d'être la personne qui dévoile le truc. On n'est pas Fox Mulder et Dana Scully, malheureusement. Et en même temps, c'est toujours mêlé d'un peu de vérité. Du coup, oui, il y a des raisons de s'inquiéter des ondes qu'il y a autour des antennes de téléphonie mobile. Oui, il y a un truc irresponsable de la part de l'État d'ignorer les précautions sanitaires là-dedans. Mais non, il n'y a pas de complot qui vise à installer la 5G dans notre dos. Plutôt, même dans les infos fiables que j'ai trouvées, moi, c'est l'attribution des fréquences de 5G, elle a été repoussée à cause du coronavirus. Du coup, c'est tout aussi faux que de penser qu'on peut tuer le virus en buvant de l'eau chaude à 20 degrés, alors que le virus vit dans notre corps qui est à 37,5 degrés. Enfin, à un moment, il y a vraiment ce truc de... prendre le temps de regarder un peu les infos avec de l'esprit critique et de faire le tri aussi. C'est le but un peu d'avoir un flot d'informations en continu, de passer tout son temps à cliquer de lien en lien. C'est d'arrêter de prendre du recul sur ce qu'on lit. Et vraiment, Internet est plein de pièges à clics conspirationnistes là, sur lesquels ils gagnent de l'argent en gagnant du trafic sur les sites Internet. C'est comme ça qu'on arrive à vendre des espaces de pub plus chers. Sur certains sites, et en fait, ouais, moi je trouve qu'il y a eu tout un fonctionnement comme ça là, qui est aussi lié à un truc très. Ouais, je pense à un espèce de désamour de la critique anticapitaliste, et puis. Bah, je pense de désamour de la pensée capitaliste, mais aussi. Je pense qu'il y a quand même un contexte global de montée des pensées d'extrême droite aussi, et que pour moi le lien il est là aussi, quoi, d'essayer d'aller chercher des ennemis, de aussi tout le contexte quand même là du Covid et du confinement, ça a fait aussi qu'il y a eu quand même un discours de peur très très très fort aussi. Et que moi, je pense que ça fait que les gens, ils sentent... Enfin, je sais pas, moi, je me suis sentie hyper démunie, des trucs comme ça. Et c'est pour ça que moi, je trouve que ça fait du bien de se rappeler, effectivement, que les pensées anticapitalistes, c'est pas juste pour faire mumu, c'est juste aussi pour... Enfin, c'est aussi pour se donner de la prise et avoir de la compréhension sur les choses et pouvoir se dire, bah, c'est sûr qu'on peut pas avoir de baguette magique et de réponse... je sais pas, en tant qu'anarchiste, en tant que féministe, à se dire, bah moi je sais exactement qu'est-ce qu'il aurait fallu faire face à une épidémie mondiale, que c'est pas ça le but, mais ça en tout cas d'avoir un peu de recul et de se dire, par contre la façon dont se positionne le gouvernement, le fait qu'il y ait de la hiérarchie entre la vie des gens, entre les gens qui vont être protégés bien tranquilles dans leurs grands appartements, les gens qui vont être obligés de continuer d'aller bosser, les gens qui n'auront pas de thunes, les gens qui auront la dalle, les gens qu'on va garder enfermés, enfin... Moi, je trouve que c'est aussi... Ouais, que c'est un peu ce truc de pensée individualiste, d'avoir trop peur, et puis de pas du tout être dans des possibilités aussi d'action concrète, quoi. Moi, ça rattache aussi cette montée de la théorie du complot à la fin de la pensée critique dans l'éducation. Je trouve à partir de 2005, au moment où l'État a voulu faire voter une loi pour dire que dans les écoles, il fallait enseigner que la colonisation était une chose positive, c'est-à-dire que le politique d'un coup se mettait à avoir son mot à dire directement sur les programmes d'histoire et du coup sur la production de l'histoire. Puis après, la laïcité qui est devenue une valeur de base et puis en fait une éducation qui est plus devenue apprendre à penser, mais une éducation qui s'est transformée en répéter les mots clés. Et du coup, je pense que ça, c'est pas bon de produire une société sans pensée critique, en fait. Et qu'un des rôles de l'éducation dans une société qui fonctionne peut-être bien, ça serait au moins d'amener de la pensée critique, de la réflexion, la capacité pour chacun, chacune, de savoir à peu près comment traiter une chose vraie ou fausse, quoi. On écoute un petit morceau de musique. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on écoute ? Ah oui, on va écouter Refoule de Bouledagang. Oui. Surgir des pages blanches, manches à en faire blêmir du moins. Beurk sud avant, précis, précis, précédent. Branlette aux presses purées en antécédent. Décapant, changer les cheminements. Chienne qui court en cours de renouvellement. Chouir, jouer de la plasticité. Matière grise, pa pa pa. Plastifier, prendre de nouvelles habitudes, tester les bassesses et l'altitude, franchir les limites là où ça pêche, pose là, là, là, là, ta pêche, puis trace ta route dans la fraîche. Flirte, frôle la fluidité, filtre frelaté, suffit de se morfondre, la mort guette, phospho flip. Fronde, le temps nous gronde, face des mauviettes, te revoilà, non, non, pas toi, moi, moi, moi, moi. Plus facile la mise à sac, le néant, gratter, récurer, défoncer mes propres dents que d'arpenter le vide franc. De pas pouvoir répondre à vos stimuli, c'est pesant. Balnave, paraît que le calme, c'est relaxant, mais quant au dedans, c'est le néant, j'ai trop peur tilté dans vos yeux que c'est flip, flip, flip, menaçant. Dans ce vide, flottent mes angoisses, hein, le parfait de mise à mort, un concentré de formoles, frayeur, torpeur, se confond, kaléidoscope psyché, les celles que je projette, celles que j'éponge, celles que je traîne sous mes grolles, puis des plombes. Ils bulle aussi mes songes, fermentation de superstition, suspicion des histoires à râle, râle, rallonge. Crie au mensonge, dessine un sens informe, à poil sans ou sous l'uniforme, le vide des gueules, ta gueule, je refoule, ça se déroule, rien que tout ça n'est moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi. Et merde, ça coule. Un petit morceau de musique. Moi, je voulais te dire un truc sur, parce que là, on a parlé un peu de qu'est-ce que le gouvernement a mis en place comme système de santé, ou si tu as parlé de l'éducation. Mais en vrai, j'avoue, moi, j'attends quand même pas là comme des trucs magiques ou que le gouvernement change comme ça parce qu'il y a une épidémie et qu'il y a des solutions super et maintenant tout le monde est égale et il n'y a plus des personnes opprimées ou j'ai pas. Et comme ça, je trouve ça plus intéressant aussi de regarder qu'est-ce que, comme des communautés différentes peuvent mettre, ont déjà mis en place ou on peut être mettre en place. Et d'apprendre un peu aussi dans les trucs dans le passé. Je sais pas, nous, on a un peu parlé aussi de ça, où on peut parler de, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a le VIH. Il y avait, mais de dire, en vrai, c'était quand même beaucoup de travail d'une communauté qui a fait, qui a mis des trucs en place, et pas le gouvernement, quoi. Et ouais, peut-être aussi on peut parler un peu de ça. Je sais pas, des trucs réduction des risques ou aussi de pas seulement réfléchir sur des trucs trop individuels, quoi. Parce que je trouve après ça fait aussi des trucs. Ouais, tu as pas beaucoup de force seule, mais aussi je trouve ça plus intéressant de réfléchir à des trucs ou des solutions en collectif que comme là qu'individualisées. Bah c'est sûr hein, que moi je suis d'accord que ça. Que tout ce qui a été produit autour de la notion de réduction des risques, ça donne des grilles de lecture super intéressantes pour réfléchir à ce qui se passe en ce moment. Là, quand on utilise le terme réduction des risques, c'est vraiment au sens militant, qui ont été pensés dans des perspectives politiques et des perspectives de lutte d'une communauté, parce que c'était des enjeux de... où les personnes, grosso modo, elles étaient complètement... elles n'avaient pas le choix que de s'occuper d'elles-mêmes et de réfléchir de façon collective, parce que effectivement, il n'y avait pas d'attente possible de la part d'un État ou de personnes qui, de toute façon, considéraient ces personnes-là comme déviantes et comme entre guillemets, que c'était pas très grave si ces personnes allaient crever, quoi. Ouais, mais du coup, il y a aussi, en tout cas, cette idée... Le lien, il se fait que, parce que c'était aussi considérer tous ces gens-là comme des personnes irresponsables vis-à-vis de leur santé. Et que là, avec cette épidémie, on fait comme si toute la population était irresponsable et qu'il fallait absolument imposer en fait, un cadre qui est un cadre de la loi et avec l'application de la police et de la justice, là, il y a quand même les infractions au confinement, si on en fait plusieurs, on peut aller en prison. Enfin, vu l'état des prisons, c'est quand même, niveau santé publique, c'est complètement stupide. Ça, c'est des trucs qu'il y avait dans le... Il y a AIDS qui a publié, du coup, un document de contribution au déconfinement, là, et qui analyse un peu ça. C'est une association qui lutte contre le VIH depuis 35 ans, et avec les méthodes aussi de la réduction des risques, et des approches communautaires, et qui a vraiment cette idée en fait de dans la réduction des risques, c'est de donner un maximum d'informations à tout le monde. Ça, c'est ce qui fait l'égalité, c'est de donner accès à l'information. L'information, elle est la même pour tous, l'information sur le virus, et le travail, c'est de faire en sorte que toutes les personnes y aient accès. Du coup, d'aller vers les gens qui n'ont pas internet. Et qui vivent dans la rue pour leur donner aussi toutes ces informations, et et qu'en fait la politique c'est de la politique de santé, c'est d'amener l'information et la réflexion partout, et du coup et avec ça les personnes sont en capacité de faire de faire des choix par et pour eux et elles-mêmes, quoi. Et évidemment ça part du principe que les gens sont pas stupides et que leur but principal dans la vie c'est pas de se mettre en danger. Enfin, ce qui semble logique, mais visiblement pas pour tout le monde, parce que c'est quand même ce truc de la réduction des risques, ça existe depuis effectivement 35 ans, 40 ans, et c'est toujours pas considéré. Là par exemple dans l'épidémie dans cette épidémie qu'on vit maintenant, l'État se repose très peu sur les associations qui font de la réduction des risques depuis longtemps et qui ont cette expérience-là. Alors c'est de la réduction des risques autour de la santé sexuelle, mais en fait c'est pareil. Enfin, là on est dans un contexte de santé où on peut aussi appliquer des trucs de réduction des risques, où c'est la grille d'entretien et qui est appliquée pour un entretien de dépistage à AIDS. Il suffit de changer trois mots pour l'adapter au coronavirus. Enfin, c'est la même démarche de dire qu'est-ce que vous connaissez des risques, de donner de l'information et de voir comment les... C'est quoi les conditions dans lesquelles les gens y sont, c'est quoi leur rapport au risque et comment, qu'est-ce qu'on fait avec ça pour que ça marche. Mais ce que tu perds avec une approche réduction des risques, c'est quand même la dimension de contrôle, quoi. Et que c'est ça qui a été vachement mis en avant avec les stratégies de confinement et surtout les stratégies de répression associées au confinement, qui sont la possibilité de contrôle des déplacements, de contrôle des personnes, etc. Et dans l'idée, et ça je pense que c'est vraiment une idéologie, que c'est pas forcément un truc de se dire c'est comme ça qu'on va asseoir notre pouvoir total sur le corps des gens, que c'est vraiment l'idée que il faut une démarche complètement verticalisée, paternaliste et répressive d'une gestion d'une épidémie, parce que sinon, effectivement, comme tu l'as dit au début, parce que de toute façon les gens sont incapables d'avoir une réflexion, incapables d'avoir une prise sur ce qui se passe. Et qu'effectivement le rapport de AIDS, il insiste bien là-dessus aussi, sur dire bah en fait une politique de santé publique qui est sous le couvert de la répression et de la moralisation, parce qu'on a eu beaucoup ça aussi là dans toute la gestion de l'épidémie, c'est le discours dominant, c'est si tu appliques pas les directives du gouvernement, t'es une personne irresponsable, déviante, et qui met en danger les gens et qui potentiellement met en danger mortel les gens que t'aimes, quoi. Et que ça permet quand même de, bah, effectivement, de garder le contrôle, et enfin une sensation de contrôle, parce que ce qu'on voit c'est qu'en vrai ça marche pas, la stratégie qui a été... Mais c'est pas nouveau, hein, cette bataille d'idéologie dans la santé, là, de la réduction des risques versus prévention et répression. Et c'est pas nouveau, et c'est pas nouveau que, et y a, ça fait aussi longtemps qu'il y a des études qui disent que la réduction des risques ça marche beaucoup mieux, et qu'en fait tout le monde s'en fout. Enfin, on a le droit de l'appliquer pour le VIH, parce que ça reste concerne majoritairement des populations dont tout le monde se fout, du coup c'est aussi pour ça qu'on a le champ libre pour faire un peu appliquer cette politique là à cet endroit là mais là, on voit bien que quand on a une épidémie qui concerne une population beaucoup plus globale, c'est pas ça qui est adopté comme stratégie. Même si on sait qu'elle marche. Et quand je dis on, c'est aussi les organisations internationales qui produisent des rapports très sérieux, produisent aussi des rapports très sérieux qui disent que c'est ça qui marche. Enfin, du coup, c'est vraiment... Ouais, on en revient à ce truc de choix politique, là. Mais moi je trouve sur le truc de... Je sais pas, mais moi j'ai regardé plein de films, des films catastrophes. Et vous voyez, dans tous ces films catastrophes là, eh ben, il y a toujours, quand il se passe un truc, les gens ils pillent les magasins. Et je trouve ça dit ce truc là, de cette idée de s'il se passe quelque chose, et que ce soit une épidémie ou des zombies, ou peu importe ce qui se passe, les gens ils pillent les magasins. Et je pense que c'est pas juste un fantasme de réalisateur de se dire cool, on va faire une scène de pillage. C'est qu'il y a vraiment cette idée que, en fait, si c'est ça qui va se passer, parce que les gens sont irresponsables et ils vont se jeter sur faire des stocks pour eux-mêmes et tout ça, alors qu'en fait là on a vu, ça s'est pas passé. Moi je trouve ça d'autant plus incroyable, cette histoire de déresponsabilisation de la population. Je trouve ça d'autant plus incroyable sur cette idée de suivi du réseau. C'est-à-dire, d'un coup, on serait plus capable de recouper qui on a vu dans la semaine et de les prévenir si jamais on est malade. Et on devrait être pris en charge par l'État pour faire ça. Ça, et les bandes de 1 mètre qui apparaissent partout dans l'espace public, comme si on n'était pas capable de savoir en gros ce que ça veut dire 1 mètre. Et que du coup, on avait besoin que ça soit matérialisé au sol pour le respecter, avec les flèches aussi qui nous indiquent les directions dans lesquelles marcher. Enfin, ça va vraiment trop loin en termes de juste mouvement du corps, cette épidémie, cette gestion de l'épidémie. Après aussi, je trouve que ça fait tous les trucs qu'ils ont mis en place, ça augmente aussi tous les gens qui font des dénonces, comment on dit, dénonciations. Ouais. Parce qu'en fait, tu as tout ça à suivre pour être une bonne citoyenne. Alors, et si tu ne les fais pas, alors il y en a d'autres comme des petits vigiles hein, qui regardent et alors mais toi tu n'as pas fait bien, ah et toi tu n'as pas resté en distance et toi tu n'as pas fait ça. Je trouve ça, ça marche aussi vachement ensemble quoi. Et qui, moi en fait, c'est un truc qui m'est bien choquée parce que pour moi c'est un peu un truc de, je sais pas, des livres d'histoire. Non, en vrai, vraiment, c'est comment ça marche, ce truc de dénonciation. En fait, que. Et en plus, les gens, ils se sentent aussi comme vraiment, ah là, j'ai fait un truc bien, quoi. Comme, ah, j'ai sauvé une vie avec ça, parce que j'ai dit que cette personne, elle a pas bien agi, quoi. Et moi, j'ai un peu comme. Bon, pas que j'ai dit, ah, ok, ça existe pas, mais de le vraiment vécu proche comme ça, je trouve ça ouf, quoi. Puis c'est pas anecdotique, hein. Enfin, il y a vraiment eu plusieurs préfectures de police dans des départements qui ont dit arrêtez d'appeler pour dénoncer, les lignes sont saturées quoi. Enfin, c'est pas juste un peu. Bah ouais, c'est sûr que là ça, ça a été un bon enjeu de refabriquer qu'est-ce qui est de l'ordre du comportement déviant et surtout qu'est-ce qui est de l'ordre d'être un bon citoyen. Puisque l'argument, c'est la mort. En gros, que si tu te comportes pas bien, tu te mets en danger toi et tu vas mourir ou tu vas faire mourir des gens. Ça fait quand même des arguments de poids pour, et que c'est d'autant plus dur de se dire comment est-ce que tu fais un pas de côté. Et comment est-ce que toi, tu... Et justement, pas juste toi, mais justement, comment est-ce que d'un point de vue collectif, tu peux avoir d'autres imaginaires sur la situation, quoi. Et d'autres prises concrètes. Et que c'est aussi ça, que les démarches de santé communautaire et de réduction des risques, c'est vraiment d'être toujours dans des réflexions autour de la responsabilité collective et surtout pas la responsabilité individuelle. Et que ça, c'est quand même des pistes super importantes politiquement, de se dire, là, ça m'intéresse pas de penser à est-ce que moi je vais tomber malade ou pas, et est-ce que mon comportement est bon ou pas, parce que j'ai l'impression que l'enjeu, il est même plus tant de tomber malade ou pas, il est vraiment juste sur est-ce que je fais bien les choses ou est-ce que je fais mal les choses. C'est un petit morceau de musique ? Avant. De voir un peu d'actualité des luttes qui ont lieu ou aussi en fait de manière de lutter bon, déjà pendant le confinement mais aussi maintenant. On va passer du coup un morceau un petit peu long mais qui se prête à la situation qui s'appelle Normal de Pétasse. Pourquoi ? C'est chiant quand même. C'est quoi une vie normale ? Putain, mais qu'est-ce que ça veut dire une vie normale ? Putain, mais une vie normale, c'est quoi ? C'est quoi une vie normale ? Putain, mais qu'est-ce que ça veut dire une vie normale ? Payer ses factures, c'est une vie normale ? Et s'arracher les cheveux parce qu'on peut pas les payer, c'est quoi ? S'arracher les cheveux parce qu'on peut pas les payer, c'est une vie normale ou une vie pas normale ? Et s'en foutre ? Et s'en foutre, c'est quoi ? C'est normal ou c'est pas normal ? C'est normal ou c'est pas normal de s'en foutre ? Et regarder s'entasser sans en avoir rien à foutre ? C'est une vie normale ou pas ? C'est normal ou c'est pas normal ? C'est quoi une vie normale ? Putain, mais c'est quoi une vie normale ? Préférer aller au resto plutôt payer le loyer, c'est une vie normale ? Et être clochard, c'est une vie normale ? Ou une vie pas normale ? C'est normal ou c'est pas normal d'être clochard ? Normal ou pas normal ? Et s'en foutre d'être clochard, c'est quoi ? Ne pas avoir peur d'être clochard, c'est une vie normale ? Ou une vie pas normale ? C'est normal ou c'est pas normal ? Et être terrifié de devenir clochard et avoir peur de ça au point d'obéir à n'importe qui, obéir à n'importe quoi, parce qu'on a peur, c'est normal ou c'est pas normal ? C'est une vie normale ou une vie pas normale ? C'est normal ou c'est pas normal ? Dire oui monsieur un connard hiérarchiquement supérieur, c'est une vie normale ? Dire oui monsieur parce qu'on a peur, c'est une vie normale ? Mais merde, c'est quoi cette vie normale ? C'est s'acheter tout ce qu'on veut ? C'est ça une vie normale ? Acheter tout ce qu'on veut, c'est une vie normale ? Acheter tout ce qu'on veut, c'est une vie normale ou une vie pas normale ? Partir en voyage quand on veut, c'est une vie normale ? Avoir assez de fric pour faire ce qu'on veut, c'est une vie normale ou une vie pas normale, hein ? C'est normal ou c'est pas normal ? Partir en voyage où on veut, c'est une vie normale ? Avoir assez de fric pour ça, c'est une vie normale ? Ou c'est pas une vie normale ? C'est normal ou c'est pas normal ? Merde, c'est pas le faire parce qu'on est pauvre, c'est une vie normale ? De pas le faire parce qu'on est pauvre, c'est une vie normale ou une vie pas normale ? C'est une vie normale de pas pouvoir partir en voyage ? C'est une vie normale de jamais partir en voyage ? C'est une vie normale ou pas ? C'est une vie normale de pas vouloir sortir de chez soi ? C'est une vie normale de vouloir aller nulle part ? C'est une vie normale ou une vie pas normale ? C'est normal ou c'est pas normal ? C'est une vie normal de vouloir s'acheter des trucs et de pas pouvoir. Et de vouloir s'acheter des trucs et de pouvoir le faire, c'est une vie normale. Et rien vouloir s'acheter, rien vouloir s'acheter, c'est quoi? Rien vouloir s'acheter, c'est une vie normale ou une vie pas normale? C'est normal ou c'est pas normal? Pas vouloir, c'est une vie normale? C'est une vie normale de rien jamais vouloir? C'est une vie normale ça? C'est normal ou c'est pas normal? Et avoir tout le temps envie de baiser, c'est une vie normale? C'est une vie normale d'avoir tout le temps envie de baiser? C'est une vie normale ou une vie pas normale? C'est normal ou c'est pas normal, hein? De n'avoir jamais envie de baiser, c'est une vie normale? Avoir soit tout le temps envie, soit jamais envie, c'est quoi? Et avoir jamais envie quand il faut? Et avoir envie mais ne pas pouvoir? Et avoir des envies tordues qu'on peut pas réaliser? Et avoir des envies tordues mais qu'on peut réaliser? C'est quoi tout ça? C'est une vie normale ou une vie pas normale? C'est une vie normale ou c'est une vie pas normale? Mais c'est quoi une vie normale? C'est quoi une vie normale, putain? Mais qu'est-ce que c'est une vie normale? C'est une vie où tu ne chiales jamais à 4h du matin, hein? C'est ça? C'est ça une vie normale? Mais qui c'est qui n'a jamais eu envie de chialer à 4h du matin, hein? Qui c'est? Et ceux qui ont envie de chialer à 4h du matin, ils sont comment? Ils sont normaux ou ils sont pas normaux? Et leur vie à eux, elle est comment? Elle est normale ou pas? Elle est normale ou pas normale? Et ceux qui s'empêchent de chialer, ils ont une vie normale. Ceux qui s'empêchent de chialer, ils ont une vie normale, ceux-là. Et ceux qui se laissent aller, ceux qui chialent toute la nuit, ceux qui chialent tout le temps, c'est normal de chialer? C'est normal de pas chialer? C'est une vie normale, putain? Mais c'est quoi une vie normale, putain? Ils ont comment une vie normale, les alcoolos? Ils ont une vie normale? Ils ont une vie normale, les alcoolos? Et les cachetonneux? Ils ont une vie normale, les cachetonneux? Ils ont une envie normale, les cachetonneux? Ils ont une vie normale, ceux qui sont trop déguerres pour chialer à 4h du matin, hein? C'est ça une vie normale? C'est ceux-là qui ont une vie normale, hein? C'est cette vie dont les magazines et les films de merde et les romans de merde nous parlent? Qui c'est qu'il a, hein? Qui c'est qu'il a cette vie normale? Ils ont cette vie normale, ceux qui écrivent tous ces magazines et ces films de merde, hein? Elle est normale leur vie? Et avoir un gosse, c'est normal ou pas? Et ne pas avoir de gosse, c'est quoi? Ne pas avoir de gosse, c'est une vie normale ou une vie pas normale? Ne pas avoir de gosse, c'est quoi? En avoir un et pas le voir, c'est quoi? C'est une vie normale ou pas? C'est une vie normale, putain. Une vie normale, c'est aimer combien de personnes à la fois? 1, 2, 3, 0, 3 000. N'aimer personne, c'est une vie normale? Aimer tout le monde, c'est quoi? C'est une vie normale ou une vie pas normale? C'est normal ou c'est pas normal? Et si personne ne t'aime, c'est une vie normale ou une vie pas normale? Une vie normale, c'est mourir à quel âge? Se suicider, c'est une vie normale? Crever vieux et malade, c'est une vie normale? C'est quoi une vie normale? On meurt comment quand on a une vie normale? Et quand on a une vie pas normale? On meurt comment quand on a une vie pas normale? Merde, c'est quoi cette vie normale? Savoir ce que c'est le bonheur, c'est une vie normale? Et savoir ce que c'est le malheur, c'est ça la vie normale? Pouvoir mesurer les choses, c'est parvenir à les comprendre? Comprendre quelque chose, c'est une vie normale? C'est une vie normale de piger quelque chose au monde? C'est ça une vie normale? Et quand on comprend rien, c'est quoi? Quand on pige rien, c'est quoi? Rien piger, c'est normal ou c'est pas normal? Être complètement paumé, c'est une vie normale ou une vie pas normale? Normal ou pas? C'est une vie normale ou pas quand on ne comprend rien? C'est une vie normale quand on arrive à rien? C'est quoi une vie normale, putain? Une vie normale, c'est quoi alors? Ça ressemble à quoi une vie normale? Hein? Ça ressemble à quoi une vie normale? Hein? C'est super morceau de musique. Super morceau positif, oui, qui donne la pêche. On est désolé pour tous les auditrices et auditeurs qu'on a mis dans un état émotionnel compliqué grâce à cette chanson. Nous perçons la poupée à la moitié, hein. Voilà. Non. Merci Flo, sur la compile, il y a 40 musique. Morceaux. Vous pouvez vous trouver votre. C'est que j'ai choisi les morceaux qui étaient adaptés à la discussion. Mais... Faut écouter les paroles, tu veux dire. Ouais. Oui. Bon, moi je trouvais ça intéressant. Ou aussi déjà moi, parce que j'aimais beaucoup poser cette question de bon, moi ou avec d'autres camarades, en fait, c'est quoi notre truc à faire ou de lutter aussi, ou continuer une lutte, on va dire, politique ou l'activité politique, je sais pas, exemple, eu avant ou j'ai pas. Et Déjà, l'effet de se pas voir avec plein de gens, de pas faire de rue, de pas aller dans les rues, de bon, plein de choses qui n'étaient pas possibles. Et aussi de réfléchir un peu à d'autres choses. Et aussi, comme moi, personnellement, je ne suis pas du tout une personne qui utilise beaucoup les réseaux sociaux ou Facebook, tout ça. Parce qu'après, je trouvais ça quand même assez intéressant de voir qu'est-ce qui se passe, tout ça, comme plein de manifs en ligne, on va dire, où j'avoue, je suis très... j'ai pas une avis très, très clair sur ça aussi. Où je trouve ça bien, c'est sûr, de faire plein de trucs aussi en ligne, mais je trouve... aussi c'est un peu dangereux si ça devient seulement ça, mais après il s'est passé plein de choses chouettes ou cool ou importantes, et je trouve ça intéressant de donner quelques exemples de qu'est-ce qui s'est passé. Après il y avait plein de trucs comme des gens qui ont fait des mini manifs avec des Playmobil ils ont fait des petits montages, si c'était BDS ou pour d'autres personnes ou assos ou groupes. Je trouve ça aussi très, très chouette. Après, il y a aussi d'autres trucs à faire en ligne. Par exemple, aussi, il y avait l'initiative du groupe d'autodéfense virtuelle. C'est des meufs algériens émigrés en France qui ont déjà un groupe Facebook qui est né après le début de la révolution algérienne du 22 février. Qui ont subi aussi beaucoup de harcèlement en live, on va dire, mais aussi en ligne, et qui ont pu faire un appel aussi de soutien, en fait, pour... comme l'idée, c'était un peu de créer une espace similaire et safe pour les féministes et autres militantes, notamment des LGBTQI. Et c'était aussi là pour signaler les trolls, ou autrement appelé le doubap... électronique. Et en fait, il y a une mobilisation sur les réseaux sociaux pour apporter une aide concrète aux victimes, un soutien virtuel, une limitation de la propagation, du temps pour se protéger soi-même et sa famille, et se donner éventuellement des recommandations pour contre-attaquer si plainte il doit y avoir et selon la décision des concernés. Il y a eu aussi le 5 mai. À l'appel de plusieurs associations, dont Moissy, collectif afroféministe, ou le FUIQP, un appel à manif confiné, Crame ton cra, Lyon Saint-Ex, avec une manif de fenêtre antiraciste, anticarcérale et antifrontière. Et quand même, je trouve qu'il y a des manifs de balcon. Enfin, il y a des copines qui ont enregistré à Grenoble... un peu qui se sont lancés un défi de quand les gens applaudissent à 20h les soignants là de lancer des slogans et qu'il y a un maximum de gens qui les répètent, et ça a plutôt bien marché. En tout cas, elles ont un bel enregistrement de gens qui reprennent un peu des slogans de la du manif de balcon, quoi. Ouais, après moi je mets comme là, bon, c'est il y a plus c'est le confinement comme avant, mais comme je trouve ça quand même intéressant ou important là, en fait, de voir comment on s'organise ou de se re-rencontrer, de se recapter aussi, de voir en fait, parce que je suis sûre aussi il y avait plein de choses qui ont lieu ou que nous on n'a pas du tout capté, et pour ça en fait de se revoir avec d'autres personnes, d'autres camarades aussi, que je trouve là c'est encore plus intéressant ou important de se rencontrer peut-être plutôt aussi dans les quartiers où tu habites et pas seulement dans ton milieu un peu enfermé. Bon, je parle pour moi un peu. Oui, en fait, réfléchir ensemble aussi de solutions collectives de qu'est-ce qu'on a envie de faire avec cette situation, quoi. Et moi, je voulais vous parler aussi dans les luttes qui ont continué et qui se sont même amplifiées là, pendant ce confinement. Il y a eu tout un truc autour des luttes anticarcérales et... du coup, de l'émission de L'Envolée. L'Envolée, du coup, c'est une émission de radio et un journal pour en finir avec toutes les prisons, qui est fait par d'anciens prisonniers et prisonnières et des proches de prisonniers et prisonnières. Du coup, ils avaient déjà ce truc à la base de faire beaucoup de témoignages directs, de coups de fil de gens qui sont à l'intérieur, de relais des luttes à l'intérieur des CRA et des prisons. Et en temps normal, ils ont normalement une émission par semaine qui est sur Fréquence Paris Pluriel. Du coup, plutôt sur Paris, le vendredi et un journal qui est semestriel. Et là, pendant le confinement, du coup, ils ont fait des points quotidiens de 15-20 minutes, du coup, du lundi au jeudi, et lancé un appel à relayer sur les radios locales. Du coup, il y a une quinzaine de radios qui ont répondu, et notamment Radio Dieu. Du coup, pendant la durée du confinement, enfin à partir du moment où on a réussi à se saisir du truc, il y a au moins l'émission hebdomadaire qui était rediffusée sur Radio Dieu, et puis il y a eu des fois où c'était un montage des quotidiennes quand ça s'y prêtait pas de diffuser l'hebdomadaire. Et voilà, du coup c'était un truc en tout cas plutôt important et précieux dans ce justement... quand tout le monde passe beaucoup de temps sur Internet et risque de dériver sur des sites conspirationnistes. Et là, ça faisait de l'info brute, quoi, et du témoignage. Et c'était, je pense, ça faisait beaucoup de sens. Et la situation dans les prisons est assez catastrophique. Les CRA, il y a pas mal de gens qui ont été libérés, mais globalement, il y a quand même aussi plein de gens qui sont restés à l'intérieur dans des conditions pourries, alors que dans d'autres pays ils ont décidé de libérer tout le monde quand même, c'était pas impossible, le Portugal l'a fait. Et dans les prisons, du coup, les parloirs sont toujours interdits et suspendus. Du coup, ça fait que les gens n'ont plus de contact de l'extérieur, les conditions sanitaires à l'intérieur elles sont assez pourries. Peut-être je peux vous lire des petits bouts. Il y a une lettre qui a été envoyée, une lettre de proche qui a été envoyée à la ministre des tribunaux et des prisons, bon, qui rappelle que déjà en temps normal la France se fait condamner régulièrement par toutes les institutions de lutte contre la torture, les droits de l'homme, pour l'état de ses prisons. Du coup, depuis le 17 mars, il n'y a plus de parloirs, plus d'activités en détention, ce qui veut dire que les détenus, ils restent 23 heures sur 24 en cellule. Et du coup, ils demandent comment pouvez-vous faire respecter les mesures de protection essentielles préconisées par l'OMS contre le coronavirus dans les prisons, à savoir se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon et ou avec une solution hydroalcoolique, alors que vous avez refusé le gel par peur que les détenus n'en détournent l'usage et que les savons sont rationnés, voire inexistants. Éviter les contacts proches et maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les autres alors que les détenus se retrouvent entre 2 et 7 par cellule. Bon, éviter de se toucher les yeux, le nez, la bouche, ça c'est pour tout le monde que c'est compliqué. Mais se couvrir la bouche et le nez pour éviter la propagation des virus et autres agents pathogènes, alors qu'aucun masque ne leur est fourni et que les surveillants pénitentiaires eux-mêmes ne portent pas leurs masques et leurs gants, ou que leur approvisionnement est insuffisant. Comment comptez-vous endiguer l'épidémie au sein des prisons alors que les lieux sanitaires sont pour la plupart insalubres et que certains détenus ne peuvent se doucher que 3 fois par semaine avec des claquettes pour éviter de contracter des mycoses, alors que depuis l'arrêt des parloirs, leur linge ne peut pas être lavé à 60 degrés. De plus, les palpations et les fouilles régulières des détenus se font au mépris des règles d'hygiène et des recommandations de l'OMS. Entre autres, ce n'est qu'un extrait. Voilà. Bon, ça faisait un truc de relayer des infos et des témoignages comme ça, et puis de passer par la radio. Moi, je trouve ça a été hyper précieux, la radio. Il y a eu aussi aussi des émissions moins sérieuses, mais pas mal de web radios qui sont montées, ne serait-ce que pour garder le lien. C'était chouette, en tout cas, de pouvoir faire des choses ensemble, même à distance. Voilà, que ce soit autour de l'envolée, de relayer les luttes anticarcérales, ou pour faire des booms, ou les émissions habituelles, ou juste des dédicaces pour quand même communiquer avec les gens qu'on pouvait plus voir. Moi, c'est ce, je trouve ça, c'était fort à voir que comment l'outil, la radio, comment ça marche bien et ça aide bien dans là aussi, tu te vois pas, mais comme communication ou information ou échange. Ouais, c'était bien ça. Bon, voilà, on vous laisse avec une petite dernière morceau de musique. Et puis, on se dit à une prochaine en direct pour la prochaine de Comme un ouragan, qui sera en juin. Ouais. Enfin, on espère en direct, en fait. On verra bien. Ouais. Et on avance sur la question des podcasts de nos anciennes émissions aussi. Que c'est toujours pas bien calé, mais peut-être un jour, il y aura accès quand même. Tout à fait. Bah, ça sera le 21 juin. Voilà. Oh, de la musique qui n'aura pas lieu, du coup, de toute façon, on pourra venir faire ce qu'on veut. Bon, je pensais qu'on avait encore deux morceaux, mais c'est pas grave. Du coup, on va en passer qu'un, et ce sera... Je voulais quand même vous passer le morceau de Pompon Sauvage qui est à l'origine de cette compilation de soutien aux travailleurs et travailleuses du sexe en galère à cause de cette pandémie, et que vous pouvez aller acheter sur Bandcamp en cherchant Pandemos. C'est une belle couverture jaune. Et on remercie très fort Pompon Sauvage d'avoir lancé ça. Et on écoute leur morceau qui s'appelle Inondation. Voilà, ben gros bisous et à la prochaine. Au revoir. D'un grand coup de faucille, il faut que ça vacille, que ça tente.